بسم الله الرحمن الرحيم في درس الماضي خلنا ماذا؟ حمزة القطع. ما حكمه؟ ما حكمها؟ تثبت هدايات الكلمة في الوصف. سكري سكونس كومو سكري؟ رأس العين. رأس العين نعم. واش كنتروف؟ Là, on dit qu'il y a une norme, quelle forme de mot ? C'est-à-dire, faire sur la fille, c'est madre. Pour que la canne ? Faire sur la fille, c'est madre ? Faire mardi, sur la fille. C'est-à-dire le soulassi, Fakat. Masda. Soulassi. Le soulassi. Arrobaï. Mardi, Masda, ou Amna. J'ai mis à l'Ashra, il est à l'Ashra. J'ai mis à l'Khourouf, il est à Ali. Il y a un Khourassa, Najid Hanzlikot. Puis. Kullima Ada. أو كل ما عدا فن القسم السابق في حمزة الوصل. المد عند الكلمة عبارة عن ماذا؟ ألف قبل الحمزة وبعد. بعد الحمزة. حمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة. لكن الألف ما يكون ساكنة. الألف اللي كيف ساكن لابد حركات. طيب قال حفظه الله تعالى. Fawaid wa tanbihat. Donc des points bénéfiques et des mises en attention. Ittisal al-huruf bil awwal kalimat la yughayyir min rasm al-hamza al-ibtida'iyya. Comme on a dit, si on met un harf qui vient devant le mot qui débute par hamza al-qat, ça ne change rien du tout. Il s'écrira pareil. قال إذا اتصلت الحروف بأول الكلمات ذات الحمزة الابتدائية فإن لا تصير بذلك متوسطة بل هي لا تزال ابتدائية ترسم على صورة الألف ترسم على صورة الألف ce حمزة même si devant sépare des lettres auparavant si ce حمزة est un début de mot et que ce mot est précédé par un harf waouh comme ça va arriver Ça ne change rien. Il garde le hukm du Hamza en début de mot. Parce qu'après, on va prendre une taksim. Le Hamza en début de mot, Hamza en milieu de mot et Hamza en fin de mot, comme il s'écrit. Là, il ne change rien. طيب, maintenant, il va citer c'est quoi ces huruf qui viennent présenter un mot. قال والحروف هي الباء والتاء والكاف والسين والال التعريف والواو والفاء واللام وحمزة الاستفهام. Donc là, il va citer maintenant tous ces huruf avec des exemples dans le Coran. Qala al-ba awalan. Quand le ba vient devant Hamza, comment ça fait? Nahu bi ay ardi tamut. Bi ay ardin. Maktoub. Regarde bien là. Bi ay. Ay, il écrit pareil. Hamza, le maftour, il est au-dessus du alif, même s'il y a ba qui est, le ba qui est devenu devant. Bi izni rabbihim. Pareil, on a le Hamza Maksoura, tapwa makanaha, en dessous du alif. Bi ayatina. Là, il est venu avant Ahmed. Taghayyar, ma taghayyar. Il n'a pas changé. Billazi amantum bi. Donc là, kazalik. Là, c'est Hamza al-Wasl. Il n'a pas changé. Là, il veut dire par là que ce Hamza, qu'il soit Wasl ou Qata, s'il y a un harf qui vient devant, il reste à sa place. Là, c'est l'exemple avec le ba. Bita, nahu, tallahi. Wa ta min huruf al-qasam. Tallahi, tu regardes bien. Allah, jalala, Allah, yabda bimada. Bi hamzat al-wasl. Il est resté. Sauf que tu ne prononces pas. Al-kaf, nahu, ka'an. Hamza, baqiyat. Ka'usratin. Al-hamza, madhumma, baqiyat. كإسلامه حمزة المقطوعة مكسورة باقية، كآلاته المد باقي، كالذين حمزة يسكري بس كنصبة، كانتفاعه كذلك حمزة يسكري بس كنصبة. تدي كانتفاع تدي باك كأنت كانتفاعه. طيب سلون صار يصير صوتك ولا حمزة حمزة القطع صار يقولون صي. Là, on passe. Ça, c'est avec le kef. Wassin, nehu, sa'urikum ayati. Voilà, sa'urikum, hamzat al-madmum, elle est restée. Sa'urikum. Sa'asrifu an ayati. Sa'asrifu, hamzat al-maftouha, elle est restée à sa place. Elle se prononce. Sa'atikum. Le med là, sa'atikum, elle reste à sa place. Elle est ta'arif. نحو الأم الإنسان الأمن الآخرة الاستغفار 3 premiers ou 4 premiers حمزة القطر 5e حمزة الوصل tous restent à leur place sauf que الاستغفار ils se prononcent pas الواو والفاء نحو فأصدق وأكون من الصالحين هنا فأصدق حمزة ما زالت في مكانها لا بوجي فآزره كذلك المد يساسا بس فاجتنبوا الريشت من الأوثان واجتنبوا قول الزور دونك لا فاجتنبوا إلى رستي حمزة مكتوب واجتنبوا دوزيام كي أبخي أبخي الواو كذلك إلى رستي تدي با fa ishtanibu tu dis fa ishtanibu kasa hamzat al-wasl lo tu dis wa ishtanibu tu dis pas wa ishtanibu allam la antum ashad rahbatan donc là lam la antum antum le hamza est resté la amana كذلك il est resté wa ithqala luqman libni شاهد لبني تدي با لابنه تدي لبني بطول حمزة اللي يكري donc ça c'est les exemples maintenant il cite avec حمزة الاستفهام نحو أإله أإنكم أإذا أإنا أإفكا أألقيا أأنت donc là tu regardes bien مزبوق بحفظة الاستفهام معجز سلا لحفظة جمول يغسل سا بلاس يسكري يسبونس أما إذا دخلت حفظة الاستفهام على قدمة مبدوءة بحفظة الوصل فإنها تغذف وتبقى حفظة الاستفهام فقط d'accord là les exemples qu'on a pris c'est حفظة القطع maintenant si on dans un mot qui débute par حفظة الاستفهام par حفظة الوصل qu'est-ce qu'on fait là maintenant قاعدة جديدة حمزة الوصل يسكري بلو ويسروتيا وحمزة الاستفهام يخون سا بلاس donc tu prononces directement avec le mot مثلا استغفرت tu dis pas استغفرت tu dis استغفرت ni tu le prononces ni tu l'écris اجتمع الناس est-ce que les gens se sont réunis tu dis pas اجتمع الناس tu dis اجتمع الناس t'écris pas le حمزة كذلك استقر الأمر اسمك علي tu dis pas اسمك tu dis اسمك et le حمزة tu l'écris pas ابنك هذا كذلك نحو انطلق به هذا c'est une erreur j'ai mal lu c'est انطلق به نعم parce que ça aurait été انطلق به on aurait eu là le حمزة tu le متكلم il s'enlève pas celui-là là c'est mourir le sira طيب على بس هو انت لقى دونك tu dis quoi انت لقى به اضطررت الى هذا كذلك وعليكم السلام دونك لو حمزة استفهام يغض ذا مو كي commence par حمزة الوصل حمزة الوصل on le retire en écriture en prononciation bien évidemment ويستثنى من ذلك حمزة التعريف فإنها تبدل مادا إذا دخلت عليها حرف الاستفهام وتكتب ألفا واحدة فوقها حرمات المد. S'il rentre dans le L de ta'alif, il prend le hukm d'un med. C'est-à-dire, on écrit un seul alif, fawqahu al-mawj. Mathalain, Allah azna lakum. Tu dis pas Allah, tu dis Allah. Al-zakarayn harrama. Tu dis pas al-zakarayn, yani comme si tu prononçais le hamzat maftouha. Il se prononce pas à la base. Donc là, il se prononce pas, mais il rentre dans le med et il ne s'écrit pas. Al-an, waqad rasayta qablu. Tamam. Donc quand tu vois ce med là, ça veut dire qu'il y a quoi à la base? Hamzat al-istifham. Et alif, il y a de L. Et le afwan, le hamza de L. Et à la base, hamza de L, il est quoi? Wasl. Malhouza. Chouza'na dil ka'ida li alla wa la in ha'oula'i. Fabakiyat ala rasm al-qadim. Wa umilat mu'amalat al-hamzat al-mutawassita. Kama sayati, incha'Allah ta'ala. Dans ces mots-là, la alla mathalan à la base li alla li alla à la base c'est li et plus loin alla à la base c'est li après an après la on a fait l'idrome de an dans la juste avant hafajar li la in à la base c'est quoi la après in. Ha'oula'i. Taïb kazalik. Ha'oula'i. Ces hamzas-là, ils sont restés tels quels. Et ils ont pris le jugement de quoi? Du hamza au milieu de mots. Contrairement à ce qu'on a appris tout à l'heure, on a appris que c'est un harf débuté, un harf précédé à un mot qui débute par un hamza, comment on fait? Il reste. Il ne bouge pas. D'accord ? Il reste à sa place. Et il s'écrit sur le alif. Cela, regarde bien, il s'écrit quoi ? Sur le satr. Ou sur le waou dans ha ou la'i. Ils prennent le jugement du hamza en milieu de mot, comme cela va arriver. Ça, c'est l'exception pour ces hurufs-là. Thumma qal, qalbu hamzatil wasl ila hamzatil qata. Kalbu hamzat al-wasl ila hamzat al-qata. On transforme hamzat al-wasl en hamzat al-qata. Tout club hamzat al-wasl ila qata fi halat atiya. Dans cette situation-là. Awalan, fi lafz jalala. Iza jaa ba'd al-nida. Quand tu fais un nida avec lafz jalala, tu dis Ya Allahu. Ya Allahu. Donc là, le hamza de lafz jalala, Allah, il se prononce, il deviendra Hamzat al-Qata. Et il s'écrit. Kazalik, fi el et ta'alif, ize kasata lovzaha. C'est-à-dire, el ta'alif, tu veux la nommer. Tu veux dire el. À ce moment-là, le Hamzat al-Was de el devient Hamza. Nahu, el nakiratu takbalu dukhul el. À la hikaya. Tu veux faire une phrase. Eh bien, el, là, tu le prononces el. Et tu l'écris. Quand les gens ils écrivent Alif ou Lem, ils écrivent El, ils écrivent avec un Hamza pour la prononciation. Pourquoi? Parce que si le Hamza, à la base, il est Sakin, et le Lem, il doit être Sakin. On n'était qu'à Sakinain. Thalithan, إذا استعملت الكلمة ذات حمزة الوصل على من. Un mot qui commence par Hamza al-Wasl, tu en as fait un prénom, ou un nom propre, on va dire. À ce moment-là, حمزة الوصل devient حمزة القطع. مثلا شخص انتصر مثلا انتصر سيكون مصدر انتصار سين خماسي 5 لتر. On a dit que celui-là son حمزة c'est quoi؟ وصل à la base. Maintenant quelqu'un tu l'appelles انتصار c'est un prénom. Eh bien, tu vas écrire Hamza le 4, cette fois-ci. Iftikhar, pareil. Yom al-Isnayn. C'est la même chose. À la base, al-Isnayn, ça rentre les Asma al-Ashara, qui commence par Hamza al-Wasl. Et bien là, comme c'est devenu un nom propre, car c'est le jour, Yom al-Isnayn, c'est le lundi, Yom al-Isnayn, tu vas l'écrire avec Hamza le 4. Pas mal. Fi darurat al-Shi'r. Dans la nécessité, dans la poésie. Kullu sharrin jawaza al-ithnayni sha'a. Kullu ilmin laysa fil kirtasin da'a. Donc là, le shahid. Kullu sirrin jawaza al-ithnayni sha'a. Wa kullu ilmin laysa fil kirtasin da'a. Et le shahid. Naam. Al-Isnayn. Là, Al-Isnayn, ce n'est pas un Isma Alam. On a mis le Hamza, pourquoi? Pour un besoin, pour le wazn. Pour le rythme de cette poésie. Pour qu'il corresponde avec le reste. Pour pas qu'il y ait un wasl. Il faut que tu prononces on a un Hamza avec une kasra. Donc là, ils l'ont mis. Et tu connais ça de Rurat al-Shi'a. Même dans le Nahou, elle change des choses. Qala ishtibahu. Hamza tout le wasl, bil kata. Quand les deux se confondent, les deux Hamza. Iza ishtabahat alayka al-kalima, hal Hamza tuha wasl am kata, fanzu li la harf al-lazi yali al-Hamza. Maintenant, si tu n'arrives pas à distinguer est-ce que c'est un wasl ou un kata, quand tu l'écoutes, il te dit comment faire pour pouvoir savoir. On dit que tu as oublié مثلا, les règles que tu as apprises. Maintenant, tu t'entends un mot, tu ne sais pas ce que c'est un wasl ou un kata. Là, il te dit comment faire. Donc, il dit, regarde la lettre qui vient après le hamza. Regarde là. Fa'in kalat mutaharrika, fa'jdam bi'anna hamzat kata. Celle qui vient après le mutaharrik, après ce hamza, c'est un harf qui a haraka. Voyez. Donc, tu peux être sûr que c'est un hamzat kata qui est en début de mot. وإن كان ساكنا فيحتمل الأمرين. Si jamais, par contre, cette lettre elle est ساكن avec une سكون, ça peut être l'un ou l'autre. فطبق القاعدة الآتية. Donc pour savoir maintenant, tu vas appliquer la règle suivante. أدخل على كلمة واو أو فاء فإن ثبتت الحمزة في النطق ولم يتغير معنى الكلمة فاعلم أنها حمزة القطع. وإن سقطت نقطة مع بقى معنى الكلمة فهي حمزة الوصل. Donc si tu mets un wa ou un fa devant et que le hamza reste prononcé et que le sens du mot ne change pas, c'est que tu as affaire à quoi? Hamza al qata. Parce qu'on a dit si tu as mis un fa ou un wa qui vient devant, hamza al wasl, elle tombe dans la prononciation. Et si jamais tu ne la prononces plus, après ce fa ou ce wa, ce hamza tu ne prononces pas, et que le mot reste au même sens, c'est que tu as affaire à hamza al wasl. Exemple, Ibrahim. Quelqu'un entend Ibrahim, dit est-ce que c'est un wasl ou c'est un kata? Il a oublié la règle. Et bien il met un waw devant. Voyez, il va dire wa Ibrahim fa Ibrahim. Khalas, c'est un kata. Maintenant que qu'il met ism, il va dire wa ism wasm. Il va dire c'est wasm. Il va dire c'est que là c'est un wasl. Il va dire wasm wasmun fasmun. Même. Et si jamais il venait à dire wa ismun fa ismun, ça veut dire que là on a affaire à quoi? Ism alam. On a mis Hamza al-Qatr, parce que maintenant ism c'est devenu un ism. Foulen, son nom c'est ism, par exemple. Un exemple, hein. Tiens, par les choux, c'est un exemple. Je me donne. I'arab, kalimat i'arab, le mazar de araba yu'alibo. Il dit est-ce que c'est un qatr ou c'est un wasl? Tu mets le fa et le waw dedans. Tu vas dire wa i'arabun. Fa i'arabun. Khalas. C'est un kota. Istakhraja. Le verbe istakhraja, qui est un soudasi. Il dit est-ce que c'est un kota ou est-ce que c'est un wasl? Il va dire wastakhraja. Fastakhraja. Khalas. Le hamza, je ne prononce pas, c'est que c'est un wasl. Akrim, qui est le amr de akrama yukrimo. Tu vas dire wa akrim fulanan, fa akrim fulanan. Khalas. Le hamza, il est resté, c'est que c'est un kota. Et après, il va essayer avec Idrib, le mazar de Rabbi Idribou. Idrib. il va dire wadrib fadrib, خلاص le hamza il se prononce pas, c'est que c'est un wasl, c'est que c'est un wasl. Non, mais en réalité s'il a bien pris les règles d'avant, il n'y a pas d'ishkel par rapport à ça. Il retient les catégories biznat ta'ala fi yahfaz zalika jayidan, après tatbik par le kalam le kitaba, après ça sont très facile inchallah à retenir, ils sont propres à biznat ta'ala. نفهم هذا؟ هذا هو درسنا اليوم. فبيدرك أن نكتفي والحمد لله رب العالمين.